Ici Baptiste, vous écoutez Choc, Choc, Choc FM. Êtes-vous un cinémaniaque? Si oui, eh bien la Cinémathèque québécoise a quelque chose pour vous parmi sa programmation de plus de 500 films par année. La Cinémathèque québécoise offre même des tarifs réduits aux étudiants. Et de plus, son café-bar est ouvert du mardi au vendredi. Consultez le site web au cinémathèque.qc.ca. Et ne manquez pas notre concours Cinémaniaque qui vous offre la chance de gagner entre autres l'une des cartes d'abonnement annuelle de la Cinémathèque québécoise. Rendez-vous sur le www.choc.fm. Dans le cadre du référendum sur la Cano, le comité du oui à la Cano vous invite à soutenir Choc FM. Du 18 au 22 février, votez oui par Omnivox via l'adresse suivante. http://ucam.omnivox.ca. Ce message est une présentation du oui à la Cano. Vous écoutez Choc FM. Ouais, c'est drôle. Moi aussi, je voulais vous inviter à voter pour la Cano, mais c'est écrit sur la petite feuille qu'on a ici qu'on a le droit de vous informer qu'il faut aller voter, mais pas d'utiliser les ondes pour faire de la publicité pour l'un ou l'autre des partis. Mais la pub qu'on vient d'entendre, c'était drette ça que ça se passait. Fait qu'il y a plein de corruption dans le système. Vous écoutez 70%. On est à 70%, le show qui surfe sur les vraies valeurs à grands coups de pertinence. Oui. On a un invité spécial, un vieil ami, Julien. C'est la première fois qu'il vient. La première. Ah oh non, mais c'est en avant de toi, mon Julien. Là. Faut que tu tournes la roulette. Là, t'as un volume en avant de toi. Là. Julien qui entendait rien. Et voilà. Julien qui n'est pas habitué de venir. Ben non, Julien qui vient jamais d'habitude. Puis là, moi, ça décroche. C'est la magie en studio. Moi, aujourd'hui, c'est Argoman. Je suis vraiment fier d'amener à tous les auditeurs des séquences d'un des films, comme vous avez peut-être pu le lire sur l'encyclopédie ou au douteux.qc.cx. C'est vraiment un des films qui m'a le plus marqué dans ma carrière d'amateur de choses discutables, douteuses, questionnables. Sinon, ben, en background, mon jeu Darius y a planté. On espère que les autres extraits feront pas ça. Ah. Pis toi, mon gars? Ah, moi, ça va bien. Là, je suis un peu relax. Parce que, tu sais, 2007, moi, là, c'était mon année de joke de caca. Tu sais, hein, on s'entend, là. J'arrêtais plus. On en a parlé la semaine passée, c'est d'ailleurs. Ça. Puis là, on a décidé d'arrêter, mais je me suis rendu compte que 2008, depuis tout récemment, moi, c'est mon année tout nu. C'est rendu, je me crisse tout le temps tout nu partout où je vais. Même à la job, je l'ai faite l'autre fois, tu sais. Puis là, avant-hier, c'est la fête à mon ami Bu, puis on s'est crissé à la poêle, puis on jouait à se battre, là, puis c'était bien drôle, mais pas de quoi en dessous de la ceinture. Ben non. Fait que là, je vais continuer ça, puis si ça persiste, ben on va vraiment officialiser l'année 2008. On essaiera d'inviter un psychologue, quelque chose, là, pour qu'il vienne nous parler, puis essayer de comprendre. De la nudité. Ben moi, je trouve ça le fun, c'est bien drôle. À date, ça va bien. Ouais. Hey, sinon, Julien, toi, t'es là live pour nous parler de Leslie Hall, en plus. Ouais, Leslie Hall, que j'ai vu vendredi, tout un show au Zoo Bizarre. Au Zoo Bizarre, Leslie Hall, qui est un personnage unique. Tu vas nous faire une petite rétrospective de la chose. Oui, exactement. Pour l'instant, je pense qu'on va aller écouter... c'est quoi qu'on va aller écouter? Une chanson. On va aller écouter un album, en fait, une toune de muse de l'album Showbiz. Elle s'appelle Overdue. On va faire ça, puis on va revenir à 70%. Oui, monsieur. Mmh. On s'ennuie, hein? Les vétérans de 70% se rappellent la présence de Simon-Pierre Bilodeau, saumure fécale bien visqueuse, Simon-Pierre bien dans l'eau, qui lisait des nouvelles, lui, de son côté. Ma foi, un peu comme Bruno, mais oui, encore plus hardcore. Ouais, des fois. Il blastait une personne par émission et c'était merveilleux. Le comique de la semaine et tout et tout. Et puis, ben, pour ce soir, j'ai amené, comme Bruno est pas là, puis que ça nous prend des nouvelles, pas nécessairement nouvelles, mais qui nous aident à réfléchir sur notre humanité, sur dans ce dans quoi on grandit. Je pense qu'on va y aller avec ici l'histoire du printemps noyé parce qu'il a marché sur l'eau. Saumure fécale ici, qui va revenir d'ailleurs. C'est noyé lundi sur une plage de Libreville, capitale du Gabon, c'est ça? Oui, oui. N'est-ce pas? En voulant marcher sur l'eau, à l'instar de Jésus-Christ dans la Bible. Selon le quotidien gouvernemental L'Union, le pasteur d'origine camerounaise aurait eu une révélation lui permettant de rallier la pointe Denis, qui est séparée de Libreville par l'estuaire du Como, qui est en fait une traversée d'une vingtaine de minutes en bateau environ. Alors, en voulant dominer une mer généralement impitoyable avec ceux qui la défient, le serviteur de Dieu a tout simplement sombré en présence du photographe qu'il avait pris comme témoin du miracle et de quelques fidèles auxquels il avait promis la guérison. En effet, les églises pentecôtistes, souvent d'inspiration américaine, se sont multipliées depuis le début des années 90 au Gabon, pays d'1,3 million d'habitants qui en compte actuellement plus d'un millier, rassemblant environ 120 000 fidèles réguliers. Les pasteurs promettent généralement à leurs fidèles que leur foi leur apportera succès. Succès professionnel et amoureux, santé et richesse, etc. Certains prétendent pouvoir accomplir des miracles et notamment guérir toutes sortes de maladies, de la simple grippe jusqu'au sida. Bonjour, ici Réal Bélan, vous écoutez 70%. C'est ça que vous faites, puis d'ailleurs, si ça prend pas juste Réal Bélan pour le confirmer, ça prend des extraits de films questionnables. Et puis, ben, ceux qui sont allés voter au douteux.qc.cx, le superbe site qu'un Simon Predge nous a fait, ils se sont rendus compte, peut-être, que quand j'ai pris les votes tantôt avant de commencer, c'était l'égalité. C'était l'égalité, c'était le dead end. On était 6-6. Puis, ben, pour équilibrer la chose, je me suis dit, bon, je vais prendre mon veto, je vais compter mon vote. En fait, c'est même pas un veto. C'est juste, j'ai compté mon vote. Pour faire gagner argument. C'est pour ça, ça prend un petit background, mais bon. Vu l'égalité, je suis content d'inclure mon vote dans la sélection de cette semaine. Et puis c'est pour le bien de tous que je me suis permis cet accro à la démocratie. C'est correct. C'est correct, mon ami. Mesdames et messieurs, c'est fièrement et avec le concours du tout-puissant Chaînomatoscope que je vous offre ce soir argument. Pourquoi fièrement? Pourquoi les trompettes? Parce que je ne peux vous servir ce qui va suivre sans un préambule digne de la chose. C'est du blindé ce soir. Là, en plus, j'ai trouvé une trame sonore de fond. C'est la trame sonore de Ghost in the Shell. Oh shit! Ça va faire underground, hein? On a l'air tellement plus sérieux maintenant. Dans la lignée des Ed Wood, Electro Woman et Dinah Girl, Batman West et Robin trop serré. Et plus récemment, dans celle de She, Argoman possède son univers esthétique bien particulier qui ne fait que bien mûrir avec le temps. En plus, on est ici aux Roquettes, où tantôt on va être là, là on est à Choc, dans cette atmosphère chaleureuse que nous construisons un peu plus chaque semaine. Ça me touche. Voilà vraiment ce que mérite Argoman. Il implique une réflexion profonde sur ce que nous faisons ici chaque semaine. J'ai par la force des choses, arbitrairement, jadis, opté pour le mot « douteux » pour classer ces films et mieux justifier l'échelle utilisée. Vous allez me comprendre si je dis « argument est très, très douteux ». En clair, Reginald Hoover est un lord britannique, playboy notoire, chasseur de criminels internationaux, reconnu et que tous savent doté de pouvoirs secrets mystérieux. Argoman, de son côté, est un gars habillé en jaune fluo, portant une cape rouge à la hauteur des fesses. Chasseur de criminels internationaux recherchés, et puis aussi, lui, il est recherché par toutes les polices au nom sérieux qu'on connaît. Il est également douté de pouvoirs secrets mystérieux. Les rusés auront deviné que l'un et l'autre étaient la même personne. Je suis plein d'émotions. C'est vraiment un excellent film. Là. Le titre original de ce film de 1967 étant « Comme Rubare la Corona », les adeptes de langue méditerranéenne auront deviné une production italienne. Quant à la Corona, c'est évidemment la couronne Saint-Édouard sur laquelle j'avais pas envie de faire aucune recherche d'aucune façon. 3 négatifs, ça veut dire qu'on reste dans le négatif. Le film commence en Lyon. Bam! On rencontre Jenabel, succube démoniaque au cleavage abondant qui se prétend la reine du monde. Pouf! On se fait pousser de la broue d'informations gratuites à propos du héros par son majordome. Le majordome, hein? Le majordome. On va peut-être l'entendre, mais ceux qui vont venir aux roquettes vont le voir. Kaplang! Des termes techniques par rapport des années Buck Rogers, Zoom Parker Ding, Argoman apparaît dans son glorieux lycra jaune fluo pour sauver le monde dont on ne sait trop quoi dans le fond. Sérieux, on sait jamais trop de quoi. De Jenabel qui est méchante. Puis si elle est méchante, faut pas qu'elle domine le monde. C'est ça, c'est cause à effet. Plus que jamais, ce soir, si vous avez des questions, j'en ai tout plein moi aussi. Et puis ben ça, c'est vraiment un de ces films qui implique de la réflexion intense. On va se lancer tout de suite dans le premier extrait. C'est ici, dans la vie, dans la tanière de Reginald Hoover, qui est dans le fond, on le sait nous, là, mais c'est pas tout le monde qui le sait, là. C'est Argo, hein. C'est un long extrait, lui, hein. Un bon 5 minutes, là, mais je vous laisse vous imprégner de l'argomanisme. Quand entendez-vous restituer la Joconde au Louvre, monsieur? Eh bien, j'en avais l'intention, mais j'ai pensé que cela serait un sacrifice inutile. Désormais, les gens sont habitués à voir la copie. Je garde l'original. Comme vous voudrez, monsieur. Mais dites-moi, à quoi cela sert de risquer sa vie pour accumuler des trésors dans une armoire? Peut-être que ta philosophie indienne ne te permet pas de comprendre que la logique du risque réside dans le risque. Et que ces trésors ont pour moi une plus grande valeur lorsqu'ils représentent mes risques. Quel philosophe. Et parfois, je regrette d'avoir aussi des dons exceptionnels. Pour moi, tout est aisé, bien. Tout est trop facile. Ça, c'est des dents. Mais vous seriez mort, et ce plus de 100 fois déjà, si vous n'aviez pas ce pouvoir unique. Pushing d'informations. Mystérieuse disparition de la couronne de Saint-Édouard. Chandra, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi? La corona, là. C'est une affaire digne de vous. Eh, en effet. Allez, appelle-moi l'inspecteur de police Lawrence au téléphone. Comme criminaliste, cette affaire m'intéresse énormément. Oui, j'écoute. Ah oui, Sir Reginald, quel plaisir. Oui, oui, exact, vous avez raison. Il ne me semble pas qu'il s'agisse là d'un voleur occasionnel. C'est Argoman. Pour moi, le style de ce voleur n'est pas du tout celui de ce cher Argoman, cher inspecteur. Et c'est en un héros, un voleur. Sais, il paraît qu'Argoman a été vu en Chine. Tu sais. Comment, dites-vous? Vous croyez cela? Et que fait-il en Chine? Et il paraît que les Chinois l'auraient fusillé. Ah, oui, vous croyez? Non, oh, en plus, grave, c'est ça, Chine. C'est que... Il fait semblant. Non, ça, alors je t'en crois. Dans sa vraie identité de Reginald Hoover, tout le monde sait qu'il y a des pouvoirs secrets. Mais il se déguise quand même en Argoman pour aller faire des affaires. Là, il vient nous dire qu'il a volé la Joconde. C'est très masturbatoire, surtout qu'il parle avec la seule personne à part lui qui est au courant qu'il a volé la Joconde. Puis là, ben, tu sais, c'est ça. Là, c'était de toute beauté, je vais être obligé de le reculer un petit peu. C'est sûrement lui qui a commis ce vol grâce à son pouvoir surnaturel. Mais non, mon cher, il ne s'agit pas d'un pouvoir surnaturel. Il s'agit simplement d'un pouvoir métaphysique, puisque rien de ce qu'il fait ne contrevient aux lois de la nature. Mais obéit à des lois psychologiques qui lui permettent de réaliser tous les effets de métaphysique. Oh oui, oui, oui, oui, tout ce que vous voulez, mais je ne peux pas écarter l'hypothèse que c'est sûrement Argoman. Tenez, je vais mettre sa tête à prix et on va voir ça. Ou mieux encore, son cadavre. C'est ça, au revoir. On comprend qu'Argoman a des ennemis chez la police. Ça nous dérange pas beaucoup, mais c'est ça. Le film a un sion de vieux vinyle. Oui. Mais c'est vraiment vintage, ça, là, le vieux VHS, recopié dernièrement en AVI par Simon Chénier, bien sûr. Attends, excellent. 33 minutes et 9 secondes sans arrêter. Là, c'est comme s'il venait de nager, mettons, pendant 33 oui, minutes et 5 très secondes. Bien. On a vu juste les dernières 5 secondes. Pas après les records, hein? Mais si vous vouliez être sage, faites maintenant un peu de yoga. Hatha yoga, Kama yoga, Brahma yoga. Non, non. Ça me suffit vraiment pour aujourd'hui. C'est ça, l'ambiance, c'est léger, là, c'est... T'as envie d'être là avec Argoman, hein? La musique est pas bonne. Oh, oui, oui, oui. L'âge de la maturité commence lorsqu'on choisit une femme. Eh bien, je vous demande de bien réfléchir aux conséquences. Regarde-toi de penser. La vie est faite pour être vécue, cher ami. Et puis, sans amour, on ne peut pas vivre. J'avoue que l'amour a sûrement l'effet d'annuler tous mes dons psychologiques pendant 6 heures. Patience. Il y a du danger, peut-être. Vous ne savez peut-être pas, monsieur, que bien des personnes espèrent avoir le moyen ou l'occasion... Oui, je sais pour se venger, je le sais. Malgré cela, je ne peux effacer l'amour de mon existence. Rappelle-toi, je t'ai déjà dit bien souvent combien je regrette d'avoir ces qualités. Il aurait pu utiliser ce pouvoir pour annuler l'amour. Alors dis-moi, qui choisirais-tu? Là, vous le voyez pas, vous allez voir à soir. Je devrais arrêter de dire ces préambules-là, mais bon. Là, il magasine avec un écran, une télécommande, puis son majordome. Une magazine comme les babes qui dorment chez eux, puis la prochaine qui va sauter. Ou la ténébreuse Sinaïda. La ténébreuse. Avec son charme oriental. Avec son charme oriental. Ou l'inquiétante volupté de la petite japonaise Akiko. Ou Samantha, la patride. C'est quoi une... Oui, cette jolie fille est sans patrie, sans famille, patride, et sans aucun scrupule. On sait pas d'où oui, aller. Le mieux de tout serait sans doute cette petite Samantha. L'apartheid. Oh, Samantha! Je me baigne. Là, il y a payé. Viens de sécher au soleil avec vous. Là, on voit la fille dans le bain. Donne-moi le temps d'arriver. C'est le genre d'intimité auquel elle a droit quand elle visite Reginald Hoover. Il a dit, viens-t'en me rejoindre, puis elle a dit, OK, j'arrive. Prépare-moi un vermouth vodka comme tu sais le faire. Une minute. Que se passe-t-il? Il va utiliser ses pouvoirs. J'entends un Hovercraft H18. J'insiste, hein. À toutes les fois qu'il utilise ses pouvoirs, ça fait des bruits. Il s'approche à moins de 5 ou 6 000 d'ici. Toutes sortes de bizarres. On va entendre plein. Pour l'instant, là, on va passer, on va aller écouter une petite tonne. C'est un thème de l'enchant de l'émission de télévision que tout le monde connaît. Toi, mon Julien, tu vas garder ta chronique bien au chaud, hein, parce que ça va être à ton tour après. Je vais avoir des questions à te poser là-dessus. Ouais, moi, j'ai hâte d'entendre parler de Leslie Hall, la seule et unique, à 70%. Out, version 2. How we go, the way we go out. How we go out, oui, bien sûr. On parle de quoi déjà? De Leslie Hall. Pour ceux qui ne connaissent pas Leslie Hall, c'est tout un phénomène de douteux. Toi, t'es allé voir ça. Hein? Ah oui, oui. T'es allé voir ça où? Au Zoo Bizarre. C'était même un petit peu trop petit pour le phénomène Leslie Hall. C'est un gars de Rouen qui fait le son là-bas. Oh, wow. Non, mais c'était une très belle ambiance. Le Zoo Bizarre, c'est assez petit. Le plafond est bas. Donc, on était très près de Leslie Hall pour voir sa grosse face de Leslie Hall. Parce que vraiment, c'est gros. C'est très large. C'est la première chose qui m'a marqué quand elle est embarquée sur la scène, sa grosse face. En plus, ça se rajoute des cheveux, là, parce qu'elle a une postiche. Là. Ah, OK, ouais, c'est parce qu'à un moment donné, elle a changé de costume, puis elle a comme oublié de remettre sa postiche. Fait je me suis rendu compte de ça. Ah, wow, c'est weird. J'étais même pas assez sous pour m'en rendre compte. Et pourtant, j'étais dans un état second, parce qu'il faut être dans un état second pour apprécier Leslie Hall. Ouais, c'est... Ouais, mais tu l'as-tu vraiment apprécié? Oui, vraiment. Vraiment, là, c'était un bon spectacle. Le meilleur spectacle que j'ai vu cette année. Oh boy, hein, l'année est encore jeune. C'est le premier, là, tu vas me dire, mais... Ça commence fort. Ça commence très, très fort. Pour les plus curieux, là, je sais pas si vous connaissez YouTube, là, c'est un site, là, ça a pogné un petit peu, là, c'est sur Internet. Puis là, si vous allez sur YouTube, puis vous tapez Leslie, L-E-S-L-I-E, là, vous laissez un espace, puis vous écrivez Hall, qui est H-A-L-L, comme les pastilles, mais pas pluriel. Mais vous allez pouvoir atteindre des succès tels que celui qu'on va écouter maintenant, qui vient de notre intéressé d'aujourd'hui, que j'aurais bien aimé pouvoir voir live. Et qu'il faut aller visiter sur YouTube. On vous revient juste après, on pose des questions à mon William. Cause you know how much it means to me. We take the back seats out of your minivan. Now we roll like a Hummer or a full-size sedan. Now park this thing real quick. close to the club and feel free to break out the golden lady rug. And hold my hand when we approach the bouncer. I don't want to look like a hungry camp counselor. Cause this is how we go out in my town. We're down the windows, let Reba crack the bass. Wave to the hot pocket peoples with the smiles on the face. Waiting and won't just a good time on the dance floor. Shake it if you wanna hear more. Stomp once to hear Britney. And twice for Beyonce. Now three times if you wanna hear me get nasty. Ooh, girl, get nasty. All I wanna do is a zigga zigga. A little louder now cause I can't hear ya. You get me hotter than a stick of hot glue. When I'm scrapbooking everything we do. Ring, ring, ring, that's my cell. Bring the bling when I sing, of course I will. Hand it to me to get the people shocked. My space by my lovers, can you hear me be talking? It says I love you. I arrive looking good, and thankfully my pants do stretch, which allow me to be free on the dance floor, but not a cheap date. I pour the body glitter on, cause I never hesitate. Now my master plan is shock then tease, break every heart then bust my knees. Proving and grooving, my brand new dance might just be the greatest in the land. Then the crowd says, when I do my scissor kicks. And then the crowd screams, when I do my lady flips. Cause this is how we go out in my town. We're down the windows, let Reba crack the bass. Wave to the hot pocket peoples with the smiles on the face. Waiting and won't just a good time on the dance floor. Shake it if you wanna hear more. Stomp once to hear Britney. And twice for Beyonce. Now three times if you wanna hear me get nasty. Ooh, girl, get nasty. All I wanna do is a zigga zigga. A little louder now cause I can't hear ya. You get me hotter than a stick of hot glue. When I'm scrapbooking everything we do. Ring, ring, ring, that's my cell. Bring the bling when I sing, of course I will. Hand it to me to get the people shocked. To my space by my lovers, can you feel my beat talking? It says I love you. It's 2 o'clock and the club is closed. Everyone's heading home. I'll see you next weekend. Then I get a tip about a party 3 blocks away. Let's go! Cause this is how we go out in my town. Roll down the windows, let Reba crack the bass. Wave through the hot pocket peoples with the smiles on the face. Waiting and wanting just a good time on the dance floor. Shake it if you wanna hear. Stomp more. Once for Britney. Stomp once for Britney. Now twice for Beyonce. Now twice for Beyonce. Now three times if you wanna hear me getting nasty. Cause all I wanna do is a zigga zigga. A little louder now cause I can't hear ya. You gave me hotter than a stick of hot glue. And I'm scrapbooking everything we do. Ring, ring, ring, that's my cell. Bring the bling when I sing, of course I will. Hand it to me to get the people shocked. My space for my lovers, can you hear my beat talking? Girl, get nasty. Je trouvais pas ça si pire que ça, là, à l'instant. Il me semble que quand j'avais été voir sur YouTube, c'était pas mal moins bon. C'est le visuel, en fait, qui fait mal, comme Julien a mentionné. C'est une personne très particulière, hein. Elle a tendance à mettre des pantalons dorés trop serrés. Oui, on oublie les gem sweaters, là, qu'elle appelle, là, les espèces de chandails avec des épaulettes puis plein d'espèces de brillants après. Oui. Qu'elle avait fait un concours, donc il y avait un paquet de monde qui était habillé comme ça en plus. Ouais, ouais, des au super, show, le monde des super les hipsters avec des lunettes, tout le kit. Ouais. OK. Mmh. Puis ils en ont fait monter 3 sur la scène, genre. Puis là, pour leur questionner sur leur chandail ou ce qu'ils avaient acheté, puis ces affaires-là. Là, genre, la plupart venaient du village des valeurs. Ben oui, bon, tu sais, c'est comme où tu veux trouver des affaires de même, mais pas au village des valeurs. C'est sûr que ça sort. Ouais, ça, je n'avais déjà parlé à Tommy, puis ça, c'est des trucs d'hipsters, surtout cette musique-là. Puis justement, les hipsters s'habillent de même d'avance. Fait que souvent, ils n'ont pas été allés à chercher loin, c'était déjà dans leur garde-robe. T'sais. Ouais, peut-être, hein, des restants. Ben, de... En fait, je voulais te parler, c'était quel genre de crowd qu'il y avait, là? C'était-tu des hipsters? Tu sais quoi, un hipster? À quoi ça ressemble? Ben, oui, pas mal. C'était, je te dirais, un 20% d'hipsters, là, tu sais. Qui allaient voir ça à côté. C'est ça, là. Puis t'avais un paquet de monde qui se demandait qu'est-ce qu'ils s'en venaient voir, là. Ouais, OK, ouais, comme toi, ouais, genre. Ouais, ouais, ouais, ben, tu sais, j'étais déjà un fan révolu avant d'y aller, là. Tu sais, j'étais, yes sir, let's go, on y va. Puis quand je suis arrivé, c'était... Ouf. Y avait-tu des groupes avant? Il y avait une première partie... Souviens-tu du nom? Donzel, je pense qu'elle s'appelait. C'était une rappers de Québec, de Montréal. Wow, c'est cool. Mais je peux dire que, franchement, elle avait pas la qualité de Leslie Hart. Non. La qualité de production, le charisme, la mise en scène. Elle avait un petit stage qui tournait. Là. Elle se mettait sur ton stage, puis ça tournait. Ah, mais, pareil comme Motley Crue. Puis c'est quoi, ça a coûté comment, rentrer là? Oh, ça coûtait 10$. 8$, tu payais d'avance. Ouais, fait que, c'est un bon placement. Est-ce que le CIAL s'est pété la tête au plafond? Parce qu'aux Ubizarre, c'est comme ça, tu te pètes souvent la tête au plafond quand tu joues. Elle a passé proche. Mais je te dirais que, vu qu'elle avait comme un 6 pouces de cheveux entre sa tête, ça n'aurait pas compté. C'est ça. Faisait du buffer. C'est excellent. Puis, tant mieux pour elle. On peut voir les petites danseuses dans leur vidéoclip. C'est les mêmes danseuses qui sont sur stage avec elle. Okay. C'est eux qui vendent les petits chandails puis les CD à l'entrée. C'est son squad. T'as-tu acheté un t-shirt de Leslie? J'en ai acheté un à ma belle. C'est-tu celui des zombies? Là? Non, il n'était pas assez féminin, celui-là. Ah ouais, si tu voulais en acheter un plus avec la belle face de Leslie Hall, grosse de même. Puis qu'est-ce que hot, c'est quand il y a des black lights, on voit pas la face, mais c'est marqué « Girl, get nasty ». Oh! Hey, c'est magique. Hey, merci d'être passé. Moi, j'ai vraiment terminé trop tard. J'aurais aimé ça, aller voir ça en sapristi. Ah, je regrette de ne pas avoir acheté les CD. Leslie Hall, ouais? Ouais, j'aurais dû. Ah, boy, hein, j'ai pas pensé. J'ai pas pensé sur le coup, là, mais. Elle a réussi. Il aurait fallu avoir ça dans la collection. Elle a gagné des ton cœur, man. Ouais. Peut-être. Mais sinon, on va essayer d'en downloader. Je sais pas si on peut dire On peut les acheter sur son site internet. Ouais, au pire. On va l'encourager pour qu'elle continue. En tout cas, ça va être un retour à Montréal pour elle la prochaine fois dans un endroit plus grand où il va y avoir plus de place pour danser pour le monde qui est sous et qui veut genre s'exprimer club soda comme elle. Ou foufoune, là, mettons, un petit peu mieux que Zoubizarre qui était vraiment trop petit. Ben, tant mieux pour elle. Ouais, mais d'un autre côté, c'était peut-être une petite salle, mais si elle était pleine, ça donne beaucoup d'ambiance pour elle. Là, une petite salle pleine vaut une grande salle. J'ai déjà joué au club soda devant 3 personnes, puis laisse-moi te dire que c'est déprimant. Je dois dire qu'ils ont refusé du monde pour Leslie Hall. J'avais des amis qui voulaient venir puis qui n'ont pas pu. Ça, c'est jamais bon. Ils se sont fait refuser terme. À la porte. Là. Genre, ils ont refusé au moins une vingtaine de personnes. Ils rentrent comme en demande aux Ubizarre, mettons. À peu près 100. À peu près 100, ouais. J'avoue que c'est petit. Là. Ouais. Crème, puis elle a amené un peu comme Alesco. Complet. Ouais, OK. Ouais, j'avoue que ça aussi, c'était pas sûr gigantesque. Ça a été bien plaisant, par contre. Ouais. il y avait deux belles dames. Parle-moi donc de la fausse que t'as jasé à deux filles pendant toute la soirée. Tu nous as parlé de Magic pour les cruiser. C'était à l'ESCO, là, quand je suis allé vous voir, toi et Bonne Journée, puis les Connards à l'Orange, là, au début de la tournée. Je sais pas, ça allait bien ce soir-là. J'ai vu deux dames qui étaient assis à une table, puis... Le pote Damien, il était là, celui qui chante des niaiseries. Puis là, on est allé s'asseoir avec eux autres, puis ça a bien été. Je parlais de n'importe quoi, puis ça a bien été. Ah, ben cool, tant mieux. Ben oui, c'est ça. Ça a vraiment marché en parlant de Magic? Ben, entre autres, là, c'est parce que le moment que Benoît est arrivé, ça a donné qu'on parlait de ça. Ah, okay. Puis on en a parlé parce que juste avant, Bruno, il est passé, puis ou en tout cas, quelqu'un d'autre, il a dit, je joue à Magic. Parce que, tu sais, il était jaloux, parce que moi, je parlais à des filles, puis on allait fumer des cigarettes dehors, là, tu sais. Ah, il essayait de briser tes plats, le salaud, mais t'as reconquéri le cœur de ses dames. Oh, bouf. Hey, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller écouter une autre nouvelle de Saumon qui va nous parler d'un couple de Boston qui faisait des poupées un petit peu spéciales. Cool. Puis on va revenir, là. Avant là, qu'on revienne, là, avant la prochaine fois qu'on parle, là, ça va être des extraits d'Argoman. Très, très douteux. Drette là, à frette, mon gars. Oui, je peux bien prendre deux petites minutes pour vous dire qu'un couple de Boston a mis sur le marché aux États-Unis des poupées qui parlent et citent des versets de la Bible pour inculquer aux enfants un message d'espoir et d'amour selon leur créateur. Cliff et Lorraine Rockwood ont déjà vendu plusieurs milliers de ces poupées saintes du nom de la marque, inspirées dans leur création par leur petite fille. En effet, elle déclare la maman « Je voulais qu'elle ait une poupée qui délivre un message d'amour et des leçons de morale. » C'est mieux que d'offrir un pistolet à un enfant. Alors, bien vu, ça. Oui. Alors, la collection de ces poupées de chiffon de 30 cm de haut compte pour l'instant 3 personnages. Jésus, Moïse et la reine Esther. Alors, Jésus, lui, ce qu'il dit quand on lui appuie sur le cœur, il dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller vers le Père autrement que par moi. » Moïse, lui, il récite les 10 commandements. Et la poupée Esther, qui est l'image de la très belle orpheline qui a épousé le roi de la Perse à l'époque et qui a protégé le peuple juif, témoigne « Dieu a un dessein pour ma vie, comme il en a un pour toi. » Oh. Alors, c'est porteur d'espoir, ça. Merci Dieu. Alors, c'est ça. D'autres héros de la Bible devraient agrandir la collection bientôt. On parle du roi David, le patriarche Noé et le prophète Jonas. Et fait à noter, c'est que ces poupées sont fabriquées en Chine par des petits enfants qui gagnent $1 par mois à crever de faim. Oui, mais pour amener des messages d'amour aux petits Américains qui, à la place d'avoir un fusil, ont une poupée. Oui, parce que c'est important de délivrer des messages d'amour et de d'en retirer de son babal. Chameau. Je vous écoute. Connaissez-vous une certaine Jeannabelle, plus connue sous le nom de la Reine du Monde? Non. Qui est-ce? C'est elle qui a volé la couronne de Saint-Édouard. Vous n'en avez vraiment jamais entendu parler? Peut-être, mais vous l'avez arrêté. Non, son arrestation serait plutôt de votre ressort. La femme. C'est bien vous qui avez dit connaître les plus grands voleurs internationaux. Non. Bon, il se pourrait que l'individu ait changé de nom, cela, parfois. Oui, j'ai pensé à cela aussi. En effet, j'ai dit au journaliste que c'était sûrement Argomand qui avait commis ce vol. À votre place, je pèserai mes mots, attention. Argomand est très susceptible, mon cher. Je m'en fiche. Nous ne pouvons pas aller dire à qui veut l'entendre que cette Jeannabelle nous menace et nous fait chanter. Qu'elle a choisi la couronne pour nous prouver sa toute-puissance. Vous vous rendez compte, elle nous l'a retournée avec un mot écrit de sa main. Intéressant. Et que disait son billet? Rien. Il disait que si nous n'envoyons pas une certaine chose dans les 6 heures, nous devrions nous attendre à tout. Exactement dans ces délais? Oui. Oui, exactement. Et que veut-elle? C'est un secret... Un secret d'État, je ne puis vous le dire. Tenez, plutôt... Regardez ça, oui. Ce sont là les photographies ultra-secrètes de la salle du trésor. Dans le fond, ce qui est en train d'arriver, oui, c'est que... C'est en qualité d'expert international en criminel que Reginald Hoover se fait impliquer dans l'affaire du vol de la couronne Saint-Édouard. Regardez. Et puis, ben, comme c'est en même temps Argomand... Ben, il y a des pouvoirs surnaturels. Et puis, il s'est servi de ces pouvoirs surnaturels pour charmer Jeannabelle. Tandis qu'il ne savait pas encore que c'était la reine du monde. Tandis qu'il ne savait pas encore que c'était elle, la reine du monde. Et puis, en tout cas, c'est un déboulement totalement carambolesque d'absolument rien de plausible. On va continuer encore à s'imprégner de la saveur. Mais ne pouvez-vous pas me dire tout au moins ce que veut cette Jeannabelle? Vous n'êtes pas sans ignorer que tout suspect peut se trahir justement par quelques manies. Suspect. J'ai trop parlé. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire d'autre. Excusez-moi, mais je risque de manquer mon avion pour Paris. Au revoir, mon cher, et peut-être... Bon voyage. À bientôt. À bientôt. Et voilà, donc, par le biais du destin, Reginald Hoover est maintenant impliqué dans l'affaire. On va continuer plus loin, on va apprendre un petit peu ce que réellement Jeannabelle veut, parce que la couronne, c'est pas ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est le ZB-12, mais version film. Je vous rappelle la nécessité de détruire à tout prix Muradov A4. On ne peut plus nier son existence. Dès maintenant, il faut envisager sa destruction avant qu'il ne soit volé. Professeur Kresky... La destruction n'est pas le moyen le plus efficace pour défendre une des plus importantes découvertes mondiales de la science et du siècle. Comme savant, je pourrais être d'accord avec le professeur Kresky. Mais comme représentant des États-Unis, j'affirme que Muradov A4 doit en effet être conservé. Oui, car l'existence d'une pierre de ce poids et de cette dimension semblait impossible jusqu'à ces derniers mois, lorsqu'il fut découvert après de nombreuses fouilles tout au fond du cratère provoqué par l'explosion d'une bombe atomique. Il est inutile de vous le rappeler. C'est à l'Angleterre que vous, le rappeler, vous devez cette vous découverte. Mais les Français, les premiers, ont pu démontrer sa classification à l'échelle de Mohs et de Berzelius. Alors dépassons le stalinationalisme. Pour moi, ce qui compte, messieurs, avant tout, si Muradov A4 tombe entre les mains irresponsables, c'est le marché de toutes les pierres précieuses qui s'écroulera. Le diamant en particulier, il pourra avoir des répercussions mondiales. Marché, industrie, argent. As-tu dit marché, industrie, argent? Messieurs, avez-vous idée de ce que peut représenter le pouvoir qui est concentré dans cette masse de charbon absolument pur et brut? Vous rendez-vous compte de son énergie? La radioactivité est fantastique. Avez-vous une pièce d'argent? Comment? Non, c'est Elvis Stoïko. Wait about money. Je l'aime, celui-là. Orange. Donc, non, finalement, le Mordoff 4, là, ben, c'est un gros diamant. Puis c'est un diamant gros comme notre tête, mettons. Et puis là, ben, il va dire, tiens, dans cette position. Une pièce, là, tu sais, il y a une petite pièce, il change. Là, il la tient à côté du diamant. Et pendant que l'autre envoie un rayon de lumière qui fait un bruit aigu dans le diamant. Il fait un faisceau rouge qui va sur la pièce. Elle va-tu exploser? Ça va être bien pire que ça. Fondre? Pire. Détruire l'univers? Il va même avoir une explication scientifique. Non, monsieur, il n'y a aucune réaction. C'est vous qui le dites. Le Muradov A4 reflétant une lumière quelconque annule immédiatement les molécules et rend plastique tout type de matière naturelle. Eh bien, si j'ai compris, tous les développements de cette matière sont donc imprévisibles. Je le crains. Ça transforme Monsieur, en ma qualité de commissaire à l'énergie nucléaire de ce Parce pays, je tiens à vous dire et à vous assurer que Muradov A4 sera surveillé avec un la plus grande vigilance par nos services. Ça transforme et avec tout ce que le laser qui en sort touche Oui, d'accord. En un seul homme chez nous est qualifié. Il a été il contacté, il se met à notre disposition. Il protégera grâce à ses pouvoirs surnaturels ce joyau inestimable. Il le fera, je le sais, pour son pays. Des milliards de dollars. Et non pas des francs. Pour la précision, vous voyez ça. Peut-être. Ils prennent une petite chinoise puis ils font un laser avec un diamant dessus. Ben, ça a l'air Pamela Anderson. Pas un diamant. C'est le diamant. Là. Un arbre qui a... Le Morzov, mais c'est un diamant dans le fond. OK. C'est juste qu'il est gros. Le secret de l'orange se trouve certainement au ministère des Forces nucléaires. On va attendre du beau. Il y a trop de police dans les environs. Je pense que Genabel, par exemple, doit se trouver ici. Si vous m'aviez écouté, vous n'auriez pas perdu vos forces. Oh. Oui, et tu t'en serais fort bien tiré. C'est la jalousie qui te fait dire ça. Oui, mais mes forces occultes sont maintenant plus que jamais nécessaires, mais je sais prendre mon temps. Et puis, de toute façon, les 6 heures sont terminées. Et sans compter que c'est par cette coïncidence que j'ai pu connaître Genabel. C'est vrai, mais cet anneau ne fonctionne pas à grande distance. Normalement, non. Mais tu sais, cette jolie créature a fumé mes cigarettes magnéto supraradioactives. Maintenant, elle ne peut m'échapper. Il a fait lui arracher les yeux. Elle l'a fait, man. Elle l'a fait, là. Cet anneau ne fonctionne pas à grande distance. Normalement, non. Mais tu sais, cette jolie créature a fumé mes cigarettes magnéto supraradioactives. Maintenant, elle ne peut m'échapper. Si je la trouve, je lui arrache les yeux. Une autre fois. Jolie créature a fumé mes cigarettes magnéto supraradioactives. Jolie créature a fumé mes cigarettes magnéto supraradioactives. Maintenant, elle ne peut m'échapper. Qu'elle a fait. Si je la trouve, je lui arrache les yeux. Magnéto supraradioactives. Donc, voilà. Elle ne peut plus s'échapper. Vous devriez c'était voir qui, quand voilà, tu ça. Il y a comme les lights. Les régulières, les fortes, puis les magnétos supraradioactifs. Les mentolés, puis les magnétos supraradioactifs. Les mentolés. Hey, moi, je pense qu'on va aller écouter du Buck Owens, Steel Guitar Rag. Non, je pense que tu devais repasser la passe. Oh, on va essayer de la retrouver. Jolie créature a fumé mes cigarettes magnétos supraradioactives. Maintenant, elle ne peut m'échapper. Si je la trouve, je lui arrache les yeux. Vous en avez assez de passer une minute par semaine à genoux pour rendre votre bain surhygiénique en pensant que vos amis vous jugent à sa propreté insolente. C'est pour répondre à ce lourd problème de société que Johnson & Johnson, une entreprise qui ne partage ses profits qu'en famille, introduit le EasyBat Pull-Up, un levier à l'installation facile permettant de soulever votre baignoire à la hauteur voulue pour le surlaver à votre goût. Le EasyBat Pull-Up, parce que la surconsommation, ça n'a des répercussions que dans les pays pauvres. Madame Nicola Ceausescu a déclaré que tout corps plongé dans un liquide finit par avouer. C'est une belle réflexion. C'est fort. Napoléon, c'est lui, a dit que sa gloire vaut plus que la vie d'un million d'imbéciles. Pierre Desforges... Faut les sélectionner, les imbéciles. C'est oui. Là le challenge. Oui. Pierre Desforges a dit que l'ennemi est con. Il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui. Pierre Desforges, c'est un célèbre général allemand. Alors moi je dis qu'il ne faut pas boire au volant, il vaut mieux boire à la bouteille. Ici Stéphane Bureau, qui a certainement l'ambition un jour de pouvoir incarner le rôle de Jared dans Roboflick 2. Vous êtes à l'écoute de 70% avec les guélurons de l'information. C'est nous autres, ça! On est tellement guélurons à 70%. Guélurons. Bon, hein? Moi, je suis allé voir Rambo 4. J'ai été déçu, je le dis haut et fort. J'ai été très déçu par Rambo 4 parce que moi, je suis amené tous mes canons. J'avais sorti tout ce que j'avais à lancer. Je m'en allais là, j'étais chargé. Le premier, c'était selon moi un bon film. Ça grattait un bobo récent qui devait être gratté. Le deuxième, ça devenait vraiment de la bouse propagandiste. Le troisième, c'était rien. Et puis ben là, le quatrième, il est comme revenu à faire le premier. Là. On comprend bien les motivations de Rambo. On comprend que c'est un personnage qui a pas eu une vie facile. On peut deviner, on peut concevoir qu'il est rendu là au moment dans sa vie qu'on le retrouve après le 3 qui finissait bizarre. Cependant, il y a des chiffres qui sont sortis. Puis moi, je suis un petit peu surpris parce que ben je vais lire les chiffres. Puis après ça, je vais vous en reparler. Là. Tous les chiffres sont en hausse. Dans le quatrième film, John Rambo tue 83 méchants. Soit 5 de plus que dans Rambo 3, 25 de plus que dans Rambo 2, et puis il en tuait seulement un seul dans le premier Rambo en 1982. Il bat aussi le record de la fréquence en tuant 2,59 personnes par minute. 2,59 personnes par minute. Et puis, ben c'est ça. La première victime n'a jamais été tuée aussi tôt dans le film, à 3 minutes 22 secondes du début. Et puis Rambo n'a jamais été aussi solide. Il n'est blessé significativement que 2 fois contre 12, 24 et 38 fois dans les épisodes précédents. 38 fois, hein? Ça, c'était dans le premier, 38 fois, il en mangeait de la boîte, ça. Le seul chiffre qui est en baisse, ça, c'est assez spécial, c'est le nombre de méchants tués par Rambo torse nu. Alors qu'il en tuait 12 puis 33 dans Rambo 2 et 3, sans prendre la peine de mettre un T-shirt, le voilà maintenant pudique. Personne n'est tué torse nu dans le dernier Rambo. C'est que peut-être que Sylvester Stallone, qui arrive à 62 ans, a fini par développer une petite gêne pour la nudité. Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que là, je viens de dire que tous les chiffres sont en hausse pour le... Oui, excuse. Ben, je peux parler de Rambo. Vas-y, man. OK, ouais. C'est mon chum James Rolfe qui a inventé cette théorie-là. C'est que Rambo 1 s'appelait First Blood, puis il a continué à élaborer parce qu'il avait fait jusqu'à 3, puis là, vu que le 4 s'en vient, c'est en venu plutôt... le quatrième volet de la série s'appelle juste Rambo. Ouais. Tu sais, juste Rambo. C'est pas Rambo 4, c'est Rambo. Fait que là, le premier s'appelait First Blood... Le deuxième s'appelait, voyons, Rambo First Blood Part 2, on s'entend. Le troisième s'appelait Rambo 3, ce qui est pas très logique, parce que ça devrait être Rambo 2 First Blood Part 3. Bon, ouais, il est tout planté dans la série. Fait là, ben là, le premier, on l'a toujours appelé Rambo. Fait là, le dernier qui sort, ça vient tellement confusant, laissez-moi vous dire. Ben oui, puis même, je veux dire, la télésérie qu'on écoute une fois par mois, je veux dire, les Force Rambo of Freedom, Force Rambo, of Freedom. C'est un D-Christ qui est violent, puis sur machine de guerre entraînée. Puis là, ben, il aide les enfants à avoir des cadeaux à Noël, puis il fait le Père Noël, j'ai de la misère à croire ça. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est, moi, j'ai lu un super article sur Rambo aussi cette semaine, où il disait que Sylvester Stallone avait admis avoir pris des hormones de croissance et de la testostérone pour faire son super body de Rambo. Bon. Saviez-vous que Sylvester... Il l'a admis. pareil comme les joueurs de baseball. Saviez-vous que Sylvester Stallone a commencé sa carrière en faisant des films de foot? Ouais, oui, tout le monde sait ça, Israël. Voyons donc. C'est juste qu'on les digère, nous autres, là. On va aller écouter des séquences d'argument. Ah non, mais c'est ça, j'ai pas fait ma petite finale. Ouais, moi, je voulais dire, je l'ai trouvé, lui, le quatrième, moins violent que les autres, parce que c'est vraiment condensé, je pense, quand il tue du monde. Là, c'est à la fin, quand il pogne la grosse mitraillette gluée sur quelque chose. Puis sinon, il y a genre trois moments différents dans le film qui tuent des gens. Ce qui est pas... en tout cas, il nous a habitués à, mettons, vivre sur la corde raide pendant... Surtout à la fin du 3, il passe la deuxième moitié à tuer une personne par minute. Fait que c'est rock and roll. Mais en tout cas, c'est ça que je voulais dire. J'avais pas remarqué que ce dernier-là était plus violent. Ben, 5 sur 10, hein, je suis obligé. C'est bon. Même pas un moins. Non, non, bien déçu. En tout cas, là, on va aller voir Argoman, qui, pour la première fois, va rencontrer Janabel. Les deux personnages les plus métaphysiquement puissants de la planète se rencontrent. Une patente au sommet, là, pis tout, là. Janabel. Sortez. Mais Janabel. Allez-vous-en tous. Ouais, elle va être seule, a dit à Zizbir de s'en aller. Je trouve pas ça a l'air d'un nom de danseuse, Janabel. Ouais. Ça ressemble aussi à l'album de Jerry Boulet, Jezabel. Ouais. Comment dois-je t'appeler? Sir Reginald Hoover ou Argoman le Superman diabolique? Eh bien, à l'heure actuelle, je ne me sens ni l'un ni l'autre. Toi, au contraire, tu tiens très bien ton rôle, Janabel. Et tu es merveilleuse, tout en noir. Comment fais-tu pour me voir à travers tes lunettes d'acier? Hein? La découverte de ma base ne te servira à rien, c'est mon cher. N'importe quoi, elle. Peut-être. Mais permets-moi de t'adresser des compliments à mon tour pour cette demeure. Ah, ils sont fatigués. Parce qu'il y a une espèce d'attirance physique entre les deux, hein, ils se sont poignés au début du film. Comme Batman et la femme chute. Pareil. Ben, que veux-tu voir? Là, c'est tu voudras. Plus bas dans les degrés de qualité. J'adore ça, c'est pas centre d'achat. Hein. Ils versent du vin là, pour parler de domination mondiale ensemble. Pourquoi me combattes-tu? Je dois t'avouer que je suis un peu déçu. Je te croyais femme d'intérieur. J'ai horreur de ces plaisanteries. Un jour, le monde reconnaîtra celle que je suis, la reine du monde. Tout simplement. Oh, ça fasse. Veux-tu être à mes côtés? Tu m'offres seulement la domination du monde. C'est tout. C'est de quoi ça parle. Et je t'offre aussi la mienne. La domination de moi. La domination de la femme, c'est très profond. Et voilà, les deux s'embrassent. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'Argoman va décider? Va-t-il trahir l'humanité pour profit de la démone? On va aller voir un petit peu plus loin. Ça va être les derniers extraits de la soirée. Je l'ai gardé, celui-là, parce que finalement, Argoman dit non. Et puis finalement, l'apatride qui parlait plus tôt, là, ben, elle s'est faite kidnapper. Et puis là, ben, il faut qu'elle la sauver. Mais ben, là, Argoman est prisonnier. Que va-t-il faire? Ça va surtout être de l'audio, comme une petite chanson. Vous allez voir les bruits des effets spéciaux. On vous revient dans à peu près 3 minutes. C'est comme une chanson, sauf que c'est Argoman qui utilise ses pouvoirs métaphysiques. Thank you. Samantha, je suis là. Attention, Argoman. J'ai un pistolet magnétique. Nous sommes sauvés. Vizla, il fixe le bien et ne le manque pas. Et voilà. Argoman a réussi à sauver la mise. Tout le monde a la vie sauve, tout le monde peut survivre. On va se sauver et revenir plus tard attaquer la base de Jennabel, qui est en fait sur la Lune. C'est pas pire, ça. Dans les années 60, faire sa base sur la Lune, pratique. Sinon, moi, je suis à la recherche d'un saut de poulet, là, c'est mon ami Perrotte. Aujourd'hui aussi, j'ai eu la confirmation que la semaine prochaine, mardi prochain, on monte à Toronto pour mercredi le 20, passer toute la journée au complet avec les Twin Dragons moustachus, Michel et Mike, Michael et Martin McNamara. C'est un des beaux moments de ma vie. Je suis content de vous dire ça ici à 70%. Ils vont te donner le troisième film de la trilogie. Ben, je vais leur acheter, là, j'insiste. Là, pas de gratuité. Là. Les Twin Dragons, man. Sinon, ben, c'était-tu ça, 70% pour la semaine? Ou... Pas mal, là. Ouais. Julien, merci d'être passé. Ah, ça fait plaisir. D'aller voir l'autre machin à soir. Et aux roquettes, ouais, c'est ça. Je vous en parle un petit peu. Belle. Ah, je profite de ces moments pour dire bonjour à Mélissa qui nous écoute. Puis bonjour à Benoît, c'est sa fête. On l'aime. Il passe des fois à l'émission. Benoît, c'est ta fête. Il y a les filles. Bonne fête, Benoît. Bonne fête, Benoît. Donnerdfeld. Là, aujourd'hui, ben, comme on est un deuxième lundi d'un mois, j'ai décidé d'amener une espèce de compilation des petits clips de Donnerdfeld. Bonne fête, bonne fête. Donnerdfeld, c'est le créateur de plein de petits films animés. Et puis, ben, il a gagné une coupe de prix. Hein. C'est Rejected, c'est là-dessus. Ça, en fait, c'est lui que Israël, tu m'as fait découvrir. C'est assez simplet comme film, mais ça vaut la peine. Ce soir, on va découvrir Donnerdfeld, qui est un Américain, bien sûr. Hein. C'est tout le temps des Américains, eux autres, quoi. Sauf Raoul Barré, celui qui a inventé la technique moderne de dessin animé, puis c'est un Québécois, ça. Non, ben, je suis pas mal sûr pour la semaine. Hein. 70%. Hey, Tommy, la vie est belle. La vie est belle, ça prétit. Surtout quand on la vit à 70%. On va se lancer ici dans une dernière chanson. Vous allez reconnaître ma voix. C'est moi qui me plains de la note que j'ai reçue de mon prof d'art visuel jadis quand j'étais à l'université. Merci d'avoir écouté 70%. Julien, merci. Ouais. Israël, merci. On s'en va écouter du douteux aux roquettes. La pas de merde en buvant de la bière. Ouais. Ah, vous parlez d'une expérience. Mais étant donné que le Muradov est désormais entre ses mains, vous découvrirez de quoi il s'agit. Et ma mission officielle est maintenant finie. Je viens d'avertir Londres. Qu'avez-vous conclu, vous, hein? Vous n'avez réussi qu'à vous faire enlever et à vous enfuir. Cela vous semble peu, peut-être, mais pour un savant pacifique, c'est bien trop encore. Messieurs? Non, non, un petit instant, attendez. Vous devez venir avec nous et en informer le ministère. La police n'a pas assez de pouvoir à présent. Oui, bien sûr, mais je ne vois vraiment pas en quoi je puis encore vous être utile. Voyons, vous ne devriez pas nous laisser, vous êtes le seul qui ait parlé avec Jennabel. Mais c'est bien pour cela que je ne suis pas en mesure de venir avec vous. Ma rencontre avec cette femme m'a littéralement bouleversé. Mes respects. Je vous le disais, cet homme ne peut pas nous servir à grand-chose. Je connais mes compatriotes, vous savez. La fuite d'Argoman peut déranger tes plans. Qu'entends-tu faire? Rien. Le Muradov me donnera un tel pouvoir que je pourrai l'anéantir quand et comme je le voudrais. Je ne le crains pas. Hey, le spoken. Les veines me pètent un flanc. J'ai vraiment mal. À mon occipital. C'est quoi ça, hostie? Mais là, ça va être mieux. Écoutez tout de suite. Amen. Amen. Baidu. Tout est prêt. Toi seul manquais pour que je puisse transformer dès maintenant mes rêves en une réalité. Oui, toi seul peux me donner l'énorme puissance que personne d'autre ne peut accorder. Aucun souverain ici-bas ne possède ta puissance et n'aura autant de fidèles à sa dévotion comme moi. Je peux créer. Commençons l'expérience. Allons-y, chargement. Énergie solaire 10 gamma. Humanoïde. Énergie solaire 10 gamma. Complétez le chargement. Degré maximum d'élasticité. Bien. Nous remplacerons un être inutile par un fidèle sujet dévoué à ma cause. Coupez les contacts. Remettez les contacts. Ça va, terminé. Voir immédiatement le commissaire à l'énergie nucléaire. Je m'excuse, il n'y a personne. Mais, comment ça? Alors, c'est le désert ici? Les chefs de service sont en conférence depuis ce matin. Oh, c'est de la folie. Mais la police doit rester en éveil 24 heures sur 24 actuellement. J'irai jusqu'au préfet s'il le faut. Il y aura des sanctions. Mais ne vous fâchez pas, vous verrez qui de droit. Oui, vous avez raison. Mais il n'y a pas une minute à... Vous êtes avec Captain Kirk, Gene the Gene, Papa Sucre du groupe Gatineau, c'est ton visage.